Je sais pas si tu vois mon lien là-haut. Tu pourrais le partager autour de toi là-bas chez les pingouins. Ouais, t'as vu, hein, je me suis appliquée. Avec ton vélo, tu peux venir. Bon. Qu'est-ce que dire ? Tu as un chouï trop fort. Thank you. Pas des souvenirs. Hein. Des photos de moi, ton cover, en string. J'ai des flatrandes et... Si, il y en a une où je pédale, mais bon, c'est pas une photo... C'est que j'ai pris des kilos, alors on dirait des bananes sur la main. C'est pas mon tabac. Avec nous autres. Quel an que t'as fêté. Il y a un truc qui me fait toujours marrer. C'était quand j'étais à Montréal. Un jour, je demandais à quelqu'un. Et toi, t'as des gosses? Il était mort de rire. Jusqu'à ce qu'on me dise ce que ça voulait dire. T'en as deux? Ah bah tant mieux pour toi. T'as deux gosses, c'est juste un enfant.